Ce pont de vaisseau tout d'abord, sur lequel j'ai passé tant d'heures, quand les lames fouettées par le vent l'aspergeaient de leur embrun salé, que j'en reverrai deux fois les deux galeries, le long des cabines, avec la ligne des fauteuils de canne pressés les uns contre les autres. Les hommes et les femmes y passaient leur journée, lisant, causant, s'étirant, dormant, et les couleurs des plaides, tout mêlées de vert et de jaune, de rouge et de noir, faisaient ressortir l'éclat ou la flétrissure des visages. C'était pour moi ces faces, jeunes ou vieilles, que je retrouvais chaque matin à la même place, comme des énigmes de race où ma fantaisie s'amusait à deviner avec une curiosité singulière des hérédités invérifiables. Tous les métaux divers coulaient dans ces terrains de Corinthe, la race américaine. Plus rien dans cette foule de ce dessin serré qui fait la physionomie de presque tous les Anglais, leur caractère d'imprimerie si net, si dru, si découpé en est l'analogue, mais des visages si disparates et des physionomies si contradictoires que j'y déchiffrais naturellement les 20 atavismes différents dont les États-Unis sont la synthèse. Ce personnage aux épaules carrées, aux mains solides comme des battoirs, aux pieds larges comme des bases de colonnes, qui fume de gros cigares avec un souffle puissant et dans les yeux petits dardent sous leurs lunettes cerclées d'or, des regards de bonhomie et de ruse, ai-je besoin de savoir que son nom se termine en « man » et qu'il regagne Chicago pour être sûr qu'il est un Allemand ou un fils d'Allemand? Cet autre, avec cette gaieté nerveuse de ses yeux trop bleus, sa barbe rousse, ses gestes excitables, le visible à peu près de sa tenue, comment douter qu'il soit un Irlandais ou un fils d'Irlandais? Ce troisième, aux prunelles trop noires, dans un masque olivâtre et maigre, quel indiscutable Espagnol en qui revit la silhouette de quelque aventurier de Californie. Et puis ce sont, à côté de ces visages marqués, d'un si net caractère, d'autres visages, comme pétris, de 5 ou 6 types divers, gris, neutre, éternes, avec de grands traits qui les tailladent, et qui, presque tous, disent l'effort. Il sourit, et même dans ce sourire il reste tendu, presque amer, comme si le travail et la peine de plusieurs générations y demeuraient emprunt. Beaucoup de femmes, et de très jolies, causent familièrement avec l'un et avec l'autre. Plusieurs actrices parmi elles reviennent au pays natal, d'une tournée en Angleterre. J'imagine ce que cette intimité du bord représenterait de galanterie actuelle ou prochaine dans un bateau de pays latin. Ici, l'impression contraire domine, celle de mœurs déjà plus rudes et qui sont à base d'énergie et de volonté, comme les nôtres sont à base de plaisir ou d'esprit. J'en retrouve le symbole dans la protée avec laquelle, depuis le départ et quelle qu'a été la mer, plusieurs des jeunes femmes se sont obstinées à arpenter le pont d'un pied décidé, tandis qu'un groupe de jeunes garçons et d'hommes faits jouait sur l'avant à une sorte de triquette, souffletée par l'écume, percée par la pluie. « Si mon frère n'a pas ses 2 heures d'exercice violent par jour, » me disait une jeune fille qui elle-même lisait avec le plus grand soin dans une revue un article sur la physical culture, « il ne se sent pas confortable. » La salle à manger me demeure aussi dans les yeux, avec le luxe brutal de ses dorures neuves et la rumeur du peuple assis à ses tables. Ça a été, depuis le départ, une abondance de nourriture aussi brutale que ce luxe, des listes de 25 plats à choisir au déjeuner, au lunch et au dîner. J'avais entendu parler souvent du gâchage américain. J'en avais la sensation 3 fois le jour devant cette prodigalité de victuailles qui supposait des bœufs, des porcs, des moutons pendus entiers et par centaines dans les chambres glacées de l'entrepont, des amoncellements de poissons dans d'autres glacières, des provisions de laitage et de fruits, de quoi soutenir un siège. Et rien qu'à voir comment ces dévorateurs arrosaient cette nourriture, je pouvais mesurer à quelle distance j'étais de la terre de la vigne. Le whisky, l'ale, le soda, le thé, la limonade, le porto, le sherry, le champagne sec, l'eau de vie, l'apollinaris apparaissaient sur toutes les tables, attestant cette habitude de vouloir son régime, si caractéristique des contrées anglo-saxonnes. Il n'y a pas de type de nourriture ici comme chez nous. Chaque estomac suit ses caprices. Et dans la demi-hallucination que donne le bercement de la mer, toujours je voyais flotter sur cette assemblée le sourire d'un étrange personnage, d'un dentiste de New York établi à Rome et retrouvé sur ce bateau, en route pour un congrès de Chicago, un de ces infatigables artistes en horrification, qui creusent des tunnels dans les dents de leurs clients, qui construisent dans les bouches les plus démontées des ponts de métal avec des habiletés et des audaces d'ingénieurs. Par moments, il revêtait à mes yeux la dignité d'un président de cette table d'hôtes flottante, Tant les convives manifestaient, dès le premier déjeuner, cette avidité physiologique d'une race de proies, pour qui l'entretien du grand outil masticateur a dû devenir aussi important que celui de la serre pour le vautour, ou de la griffe pour le lion. Cette salle à manger, je l'ai dans les yeux une autre fois, mais recueillie, et elle s'emplissait solennellement de la voix d'un pasteur, qui disait les prières. C'est le dimanche matin, et sur les 200 passagers, plus de 100 assistent à cet office. Ces mêmes faces que j'ai vues hier, que je verrai demain congestionnées de nourriture, se penchent maintenant sur des bibles, avec le recueillement d'une conviction personnelle et sincère. Tous ces gens voyagent avec leurs livres de prières à eux. Je les regardais à travers la croisée avec le sentiment que malgré le prodigieux afflux d'immigration, l'âme des Pilgrim Fathers, qui sont partis sur la Mayflower, n'est pas morte encore. Et je me souvenais de ce départ qui fut précédé, dit la chronique, d'un jour d'humiliation et de jeûne, le pasteur ayant pris comme texte ce verset d'Ezra. Le long de la rivière Ahava, j'ai proclamé un jour pour que nous puissions nous humilier nous-mêmes devant notre Dieu et obtenir de lui la voie droite pour nous, pour nos enfants et pour toute notre substance. Voilà le profond sentiment qui s'agite encore parmi ces revivals de l'Amérique, assez passionnés pour que, dans notre 19e siècle, de nouvelles sectes en jaillissent sans cesse. Il palpitait là, entre les parois dorées de cette salle banale, à laquelle il restera pour moi associé, comme j'y reverrai toujours une autre scène bien différente, un concert organisé par un régisseur de théâtre qui va faire une tournée à San Francisco. Le produit en devait être affecté à la caisse des pauvres matelots. Un ancien ministre des États-Unis, auprès d'une des plus grandes cours d'Europe, avait accepté la présidence. Toute la bonhomie d'un pays de débatteurs, d'hommes habitués à sans cesse parler en public et au public, était empreinte dans le ton avec lequel il commença, faisant allusion à ses infortunes de cabine. « I present you a very poor sailor. » »« Je vous présente un très pauvre matelot. » Je n'aurais pas su vers quelle terre de démocratie je m'en allais. Je l'aurais deviné à l'absolue simplicité d'allure de cet ancien diplomate. C'était de quoi me consoler d'un refrain que j'entendrais longtemps, aussi sur les 12 agneaux qui sont dans les prairies, où ils ne rêvent pas de la sauce à la menthe, et de quoi oublier la cruelle vulgarité d'une chanteuse qui mimait une femme de chambre irlandaise, sur le point de devenir actrice. Et elle hurlait, lançant son poing avec des violences de boxeur, qui se prépare à donner un punishment, un si formidable « I want to be a actress » que les vitres en tremblaient malgré la rumeur de la mer. Quel cours de physionomie internationale encore que le fumoir d'en bas vers 9h le soir, hier surtout. On y tirait les numéros d'une des dernières poules sur le chiffre des 1000 franchis par le bateau dans les 24 heures. 50 personnes peut-être se pressent dans une atmosphère qui sent le paquebot, le tabac, les eaux de toilette. Car la boutique du barbier donne à côté, et il est en train de laver la tête à un client, la porte ouverte. Et les alcools. Un bar est au fond, où l'alchimiste préposé au cocktail manipule quelques-uns de ces corrosifs mélanges, dont les Américains se brûlent l'estomac avec délice. Là, dans cette pièce revêtue de bois jaune, qu'une électricité tamisée par des globes bleuâtres ou roses éclaire d'une lumière de féerie, les pokéristes prolongent leur partie la nuit entière, lisant leurs points à l'angle des énormes cartes sans que leur immobile visage tendu pour le bluff laisse rien deviner que cette fièvre froide du pari qui se déchaîne maintenant autour des numéros de la poule. Un acteur au bajou verdâtre, à la bouche lipue, les a mis dans un sac, et il les tire pour les attribuer aux divers penteurs, qui se sont inscrits durant le jour sur la feuille de papier attachée là-bas, contre la glace embuée de fumée. Il faut ensuite les mettre à l'encan, et le gros homme commence d'allumer les enchères, accompagnant chaque nombre d'un boniment, où il y a de la blague de commis voyageur, mais sinistre. 481, il y aura un terrible brouillard. 480, c'est le plus bas, c'est le meilleur. Nous coulerons comme la Victoria. 480, qui veut de quoi payer son assurance? 504, c'est le plus haut, le meilleur. Un temps alcyonique. Nous ferons 506. Et les enchères de montée, 1 dollar, 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, 40 dollars, 100 dollars, jusqu'au 1, 2, 3, adjugé à l'honorable. Ce sont les faces des parieurs qui me restent dans la mémoire, avec leurs yeux si vivaces et si durs, avec le mouvement si affirmé, à demi cruel, de leur bouche. Presque toute grise plutôt que rouge, le teint empoisonné par l'abus des redoutables eaux de vie, ces faces évoquent invinciblement pour moi l'idée des légendes de l'Ouest, ou un revolver prêt à partir est toujours à la portée du joueur. Deux surtout m'apparaissent si nettes, une carrée et franche avec une casquette de Yao-Ching abaissée sur le front, une pipe courte et droite au coin de la lèvre, et une poussée goguenarde dans la surenchère. L'autre pointue et insolente avec un regard filou et faro. Les deux voix qui sortaient de ces deux bouches trahissaient, en s'exaspérant l'une contre l'autre, dans cette lutte de dollars, presque la haine de deux espèces, comme si dans l'arrière-fond du jeu, pris ainsi à la manière d'un duel, il y avait le déploiement d'une force presque animale. Et ce combat à peine fini autour du chiffre des 1000, un autre recommençait autour du numéro du premier pilote à rencontrer. Ce bateau, celui de ce premier pilote, qu'il était petit, courant à nous, toute voile dehors, sous le vent qui le couchait par instants sur les lames. Nous étions à 600 000 du port. Il s'agissait pour l'homme de gagner $300. Nous en rencontrâmes un autre le soir, qui avait, lui, fait ses 500 000 pour rien, sous le vent terrible de ces derniers jours. Une seconde, le vapeur stoppe. Une petite barque se détache, sur laquelle est un rameur avec le pilote. Ce dernier s'agrippe des mains à une échelle de corde qu'on lui jette du pont. Il n'a pas touché le bastingage que déjà la machine a repris sa force et le paquebot sa vitesse. Encore 5 minutes et le courageux voilier n'est plus qu'un point blanc dans l'étendue, sans cesse abîmé dans les énormes vallées que creusent les lames, et que nous fendons, nous, avec la vitesse, toujours maintenue, de gens qui veulent « break the records ». C'est l'intraduisible mot par lequel les Américains expriment si bien ce qui fait, dès le premier abord, le fond de leur nature. Considérer comme possible tout ce qui s'est fait, déjà, et le dépasser. Est-ce l'amour-propre? Est-ce la folie de l'action? Est-ce un autre atavisme encore, puisqu'ils sont tous, à quelques générations près, des fils ou des petits-fils de désespérés, de gens qui ont franchi ce même océan, avec l'idée fixe d'un dernier va-tout à jouer? Je n'en sais rien, mais je sais que de longtemps je n'oublierai cette course frénétique du lévrier de mer à travers cette dernière journée d'épais brouillard et cette première approche du pays, de toutes les audaces, dans cette audace d'un élan à couper un cuirassé, si nous l'eussions rencontré. Mais qui y pense excepté moi? Tous sont occupés déjà à lire les journaux que le bateau-pilote vient d'apporter avec lui. Ce n'est pourtant pas la peine, dit un d'eux. Ils ont 2 jours. Le 7e jour, nous arrivons en vue de New York par un matin d'été à la fois brûlant et voilé. Nous n'avons pu débarquer hier à cause de l'heure tardive, et je m'en réjouis devant l'incomparable tableau de cette entrée. Le paquebot remonte la bouche de l'Hudson, qui sert de port à la grande ville, avec un mouvement aussi doux qu'il était rapide voici 24 heures. Rien que cette sensation vaudrait le voyage, tant elle est inattendue et profonde. L'énorme estuaire frissonne et clapote, remué par le dernier battement de l'Atlantique. Et sur ces deux rives, si loin que le regard puisse aller, à droite où s'étale New York, à gauche où grouille Jersey City, indéfiniment, interminablement, c'est une suite de courtes jetées en bois, larges et couvertes. Des noms s'y inscrivent, ici d'une compagnie de chemin de fer, là d'une compagnie de bateaux, puis d'une autre compagnie de chemin de fer, puis d'une autre compagnie de bateaux, et indéfiniment aussi de chacune de ces jetées, un gigantesque bac se détache ou s'approche, emportant ou vomissant des passagers par centaines, des dizaines de voitures tout attelées, des trains entiers de marchandises. Je compte 5 et 6 de ces bacs, puis 15, puis 20, énormes surplombant l'eau verte de leurs 2 étages peints en blanc et en brun. Ils vont battant cette eau pesante de leurs roues de fer, et sur leur sommet un gigantesque balancier rythme leur mouvement uniforme. Ils vont se croisant, se frôlant, sans jamais se heurter, tant leur marche est précise, avec des apparences de colossales bêtes laborieuses, dont chacune accomplit sa tâche avec une sûre conscience. D'innombrables petites chaloupes, agiles et trapues, courent au travers. Ce sont des remorqueurs. Le remous secoue durement leurs coques minces, et l'on entend le souffle rude de leurs machines, robustes et larges poumons d'acier, qui remplissent tout leur petit corps. On la sent, cette robustesse à leur élan, mesurée si juste que, sans jamais le ralentir, ils volent entre les lourdes masses dont le choc les chavirerait. Derrière eux, ils traînent de toutes fragiles barques, chargées de 2, de 3, de 4 hommes. Le mince et pauvre esquif tremble, disparaît presque dans le glauque sillage, creusé profond sur cette eau, si labourée, si fouettée, qu'elle se dresse en vagues. De temps en temps, un de ces remorqueurs jette un coup de sifflet, aigu et déchirant, qui se mêle au rauque beuglement des bateaux passeurs. Et les uns et les autres circulent sur cette vaste rivière que remontent et que redescendent, avec la même lenteur que nous, 50 paquebots peut-être, grand comme le nôtre, venu de l'Europe, venu de l'Amérique du Sud, venu de celle du Nord. Les hautes coques rouges fendent avec une douceur puissante la nappe écumeuse, chargée de tant de travail humain, de tant de vies humaines. Dans la brume chaude, les formes s'effacent, les contours s'estompent, se fantomatisent. D'autres paquebots apparaissent, s'esquissant, se devinant par derrière cela, et par derrière encore un monstrueux entrecroisement de vergues et de mâts, colossal, dominant cette gigantesque usine mouvante, qui donne l'impression d'être l'entrepôt du monde entier. La statue de la liberté surgit, silhouettée dans la buée et haute comme un phare. Cependant, les deux villes, à droite et à gauche, continuent de s'étendre à perte de rêve. Penché du côté de New York, je démêle des maisons toutes petites, un océan de construction basse d'où émergent, comme des îlots aux abruptes falaises, des bâtisses de briques, si hardiment colossales que même d'ici leur hauteur écrase le regard. Je compte les étages au-dessus de la ligne des toits. Une d'elles en a 10, une autre en a 12. Une autre n'est pas finie. Une armature de fer évidé dessine dans le ciel le projet de 6 de ces étages au-dessus des 8 autres déjà construits. Gigantesque, colossal, démesuré, effréné, on répète malgré soi les mêmes formules, car les mots manquent pour égaler cette apparition. Ce paysage où la bouche énorme du fleuve sert de cadre à un déploiement d'énergie humaine plus énorme que lui. Arrivé à cette intensité d'effort collectif, cette énergie devient un élément de la nature. L'histoire ajoute à cette impression, pour la redoubler, la brutalité indiscutable de ces chiffres. En 1624, il n'y a pas beaucoup plus de 250 ans, les Indiens vendaient à un Westphalien la pointe de cette île de Manhattan. Ils fondaient cette ville que voici devant moi. C'est la poésie de la démocratie, et c'en est une que ces poussées de vitalité populaire où l'individu disparaît, où l'effort personnel n'est plus qu'une note perdue dans un immense concert. Ce n'est certes pas le Parthénon, ce petit temple sur une petite colline où les Hélènes ont résumé leur idéal. Presque pas de matière et de l'esprit de quoi l'animer toute, jusqu'au moindre atome avec de la mesure et de l'harmonie. Mais c'est l'obscure et violente poésie du monde moderne qui vous donne un frisson tragique, tant il tient d'humanité volontaire et forcenée dans un horizon comme celui de ce matin. Et il est le même tous les jours.